Bertrand de Borne. Si tut l'idole, elle pleure, elle m'arriment. Plagne. Si tut l'idole, elle pleure, elle m'arriment. Et las dolour se le donne, elle chaitivière, comme encausis et laisse les doulens, fausse ou l'incense. Semblerne tut l'audière, contre la mort del juvereil anglais. Noremant prêts et juvent douloureuse, elle mons escurs et teignes et ténébrouses. Sems et tout joy, plaise et tristour et ira. Tout lent et triste et plein de marriment, sous remasut les courtes soudadiers, elle troubadour, elle juglar avinent. Trop en agut et morte, multal guerrière, qu'elle tolte l'oural ou juverei anglais, vascuyer en y plus l'arc, coubeitus. Dja nun ermais, ni nous cresat que fous, vas aches dan el segre plus, ni ira. Estout à morts, plena de marimen, van arte pos qu'el meilleur chevalier astolt al monde qu'en fous de nulla gen. Car nous ne res qu'apprezaja mestier, que tout nous fous el juverie anglais, et fura meils, sadeu plagues rasus, que visques elle, que mantaut en nous jus, car nous fer un asprus, mas dol et ira. Da que segue flac, plein de marriment, s'amour s'en vai, son joy t'en men suggère, que renouya, que non torne en cousin, tout jour veirez que val menz oi que hier. Chascu se mi el juverie anglais, que era del monde le plus valent d'esprus, ares anats, son gen cors amourous, dont es douloureux et des cunorts et ira. Celui que plaque per nostres mariment venir el munt et nous traide encombrier et recep mort à nostre salvament, comme un seigneur humil et dreiturier, clamem merci. Cal juverie anglais perdun, s'il place, si comme es vers perdus, elle fas estar à bourras compagnus, l'ai, und ang dornunach, ni naura ira.